IC officiel. Thank you. Thank you. Thank you. Don't think. I like the JP sounds guitar, guitar sound. Je parle anglais comme en français, mais ça va pas du tout. Thank you. là, vodka. Oh my god. Oh, eating. Bloop, bloop, bloop, bloop. Patty, Patty Boop is asking at the door. His dad is waiting. Monsieur Patty Boop, demandez à l'entrée du magasin, s'il vous plaît. Vous avez perdu. Votre. Phone call.